Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de biodiversité en Val d'Amboise. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on accueille Thomas Boucard, chargé de mission transition écologique à la communauté de communes Val d'Amboise, pour revenir avec lui sur le questionnaire citoyen lancé auprès des habitants et sur la restitution publique qui s'est tenue. C'était fin mai, Thomas ? Oui, c'était en mai. Oui, c'était en mai, vous voyez, donc il est temps pour nous de faire un petit bilan sur l'antenne de Radioactive et puis les suites évidemment à venir. Eh bien, bonjour Thomas. Bonjour et merci. On entendra aussi un court extrait de Philippe Degnaud, hein, puisque nous nous étions présents lors de la restitution et il a répondu à quelques questions, donc on pourra l'écouter dans quelques instants aussi. Philippe, qui, je le rappelle, est maire de Saint-Ouen-les-Vignes, mais aussi vice-président délégué à la transition écologique à la CCVA. Alors pour commencer, Thomas, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi avoir proposé un questionnaire citoyen sur la biodiversité ? On a proposé ce questionnaire dans le cadre de la construction du plan d'action biodiversité de la communauté de communes. L'idée, c'était d'associer différents partenaires, dont les habitants, pour recueillir leur avis et leurs besoins sur le sujet biodiversité, pour ensuite pouvoir construire des actions pertinentes pour ces partenaires, et notamment pour les habitants. Et donc, on a choisi de passer par un questionnaire, parce que ça nous semblait être le moyen le plus pertinent de le faire, et que ça permettait une large diffusion. Et puis, c'était la suite aussi logique de l'Atlas de la biodiversité. Oui. L'Atlas de biodiversité qui fait partie des éléments qui nous aident à construire ce plan d'action. Donc on a un état des lieux de la biodiversité sur le territoire. Mais on ne savait pas trop ce qu'en pensaient les gens ou les partenaires, ce qu'ils faisaient précisément, est-ce en quoi ils pouvaient nous aider, est-ce qu'on pouvait monter comme projet avec eux, et quels étaient les besoins surtout. Et donc c'est pour ça qu'on est passé par un questionnaire, et qu'en parallèle on a aussi interrogé les partenaires potentiels via un courrier, les entreprises via un autre questionnaire, et les communes, et bien sûr, en allant les voir chacune leur tour. Combien de réponses en moyenne ont été recueillies ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce retour ? Alors on a 243 répondants au moment de l'analyse, donc pour la soirée de mai qui a permis la restitution. C'est encore en cours, on espère qu'on en aura plus. Puisqu'à l'échelle du territoire, c'est assez peu de personnes. Concernant les réponses moyennes à un questionnaire, on est à peu près dans la moyenne. C'est-à-dire que généralement, il n'y a pas beaucoup plus de répondants que ça pour un questionnaire. Plus de temps, ça aurait été bien pour solliciter plus de monde. Maintenant, dans les temps impartis, c'était de février à avril. On est plutôt satisfait. Ça nous donne quand même des pistes pour agir. Je crois savoir que les réponses qui ont été recueillies autour du questionnaire de la biodiversité ont reçu un petit peu plus de succès que les questionnaires au niveau du plan de territoire. Est-ce que la biodiversité intéresse davantage, vous pensez, les concitoyens du Val d'Amboise ? Je ne sais pas s'il n'y a pas de concurrence, en tout cas. La biodiversité est un des sujets qui va intégrer le projet de territoire, bien sûr. Maintenant, il se trouve que depuis trois ans, on travaille sur le sujet et on a notamment créé une liste de diffusion où j'ai 300 personnes qui sont inscrites. Donc déjà, voilà, on a diffusé prioritairement à ces personnes-là. On a des relais dans les communes avec les référents communaux, etc. Le sujet est un peu installé et je pense que ça peut expliquer le fait qu'on ait au final plus de réponses plus vite sur ce sujet-là. Cela dit, l'un est croisé forcément avec l'autre, oui, puisque sur un projet de territoire, on prend forcément en compte la biodiversité. Alors justement, quels enseignements est-ce que l'on tire de ce questionnaire ? Eh bien, les répondants sont des gens plutôt sensibles à la question. Ça, c'est un peu le biais, j'allais dire, mais oui. Les personnes qui vont répondre en priorité, c'est celles que le sujet touche. C'est toujours difficile d'aller chercher les personnes un peu moins sensibles, peut-être, ou qui se sentent un peu moins concernées. Donc du coup, sur les presque 250 répondants, la plupart connaissent la définition de la biodiversité, ils sont sensibles, l'observent, font déjà des choses chez eux, et notamment via leur jardin, en pratiquant une gestion qu'on pourrait appeler durable du jardin, avec la création d'un potager, faire attention à l'eau, aux plantations, avoir des espaces moins gérés, je dirais, pour favoriser la faune sauvage. Voilà. C'est des personnes qui agissent déjà, mais qui pour autant nous informent sur les besoins qu'elles auraient, notamment de compléments d'informations sur les espèces, et notamment les espèces exotiques envahissantes, comme le frelon asiatique ou la jussie, qui sont, de par les échanges commerciaux de plus en plus nombreuses, à arriver dans des territoires sur lesquels à la base elles ne sont pas présentes. Ces espèces-là créent des problématiques diverses, notamment avec la biodiversité. Et c'est un sujet qui monte, mais aussi il y a des pistes sur des sujets comme biodiversité et bâti, avec un champ d'action possible à travers la future maison de l'habitat, notamment, qui sera un lieu d'information sur l'urbanisme, sur l'habitat, et sur la transition écologique. Et donc l'idée, c'est de faire des ponts entre tout ça. Et pour le coup, les résultats du questionnaire nous encouragent à aller dans ce sens-là. Mmh. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui était très intéressant aussi dans la restitution, c'était le côté participatif, parce que c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans la continuité, puisque ce jour-là, il ne suffisait pas de dire bah, « voilà les résultats et voilà vers quoi on va », mais pour tous les participants qui étaient là, et vous aviez raison de le souligner, il y avait beaucoup d'acteurs de la biodiversité dans la salle qui ont pu apporter aussi leur eau au moulin à travers des tableaux par pôle que vous aviez préparés. J'ai pu constater qu'il y avait aussi beaucoup d'idées en matière d'éducation, de transmettre aux enfants dans les écoles, etc. Oui, c'est un des sujets qui revient le plus avec les plantations, sur qu'est-ce que les habitants souhaiteraient voir mis en place. Mm-hmm. C'est notamment des animations, et en particulier auprès des scolaires, des enfants. Bon, ça, c'est quelque chose qui ressortait aussi de l'Atlas. On avait fait une série d'animations dans les écoles, et les écoles étaient un petit peu frustrées parce qu'il n'y avait qu'une animation pour une classe par école, ce qui était déjà pas mal, mais on sentait qu'il y avait un besoin. Donc on l'avait déjà ciblé, là ça confirme en fait, on a aussi le volet des parents, le côté parents qui confirme que ce serait important. Évidemment. Donc je pense que c'est une des pistes qui va être développée dans le plan d'action à venir. Et après oui, la soirée, on a eu une quarantaine de participants, ce qui est plutôt bien. C'est dans la lignée du nombre de participants aux autres soirées pendant la classe. Et effectivement, on les invitait à apporter des précisions sur les actions qui ressortaient comme les plus importantes à mettre en place. Mm-hmm. Ce qui nous permet nous, d'être de plus en plus précis et concrets et de mettre en face des moyens techniques, financiers, humains pour la mise en œuvre des actions d'animation, de conseils qui vont voir le jour à partir de l'année prochaine normalement. Et ça, on peut d'ores et déjà en savoir un petit peu plus, Thomas, ou alors est-ce que c'est encore à l'étape vraiment de réflexion et de construction ? C'est à l'étape de construction. D'accord. On a ensuite, suite à la soirée publique, il y a eu plus récemment dans une série d'ateliers avec les partenaires. Donc pour le coup, vraiment les partenaires qui travaillent sur le sujet, de près ou de loin, avec lesquels on a pu voir comment mettre en place certaines actions, quel financement ça nécessiterait, où aller le chercher éventuellement, quels moyens techniques, quels moyens humains. Oui, parce qu'il y a ça aussi derrière, évidemment. Voilà, c'est, il y a l'idée, puis il y a effectivement, est-ce qu'on va pouvoir le faire et sous quel délai. Donc ça va nous permettre de préciser tout ça, et il y a énormément de propositions, donc tout ne sera pas réalisable, donc il va falloir aussi prioriser. Donc ça va être le travail des élus, en fonction bien sûr de ce qui ressort des questionnaires habitants, des résultats de l'Atlas, etc. Il s'agit de prioriser, d'hierarchiser du plus urgent, du plus important, au pas moins important, mais qui peut être mis en place sur le plus long terme. Alors, vous évoquez les élus. Je vous propose qu'on écoute le vôtre. Philippe Degnaud, qui est donc, je le rappelle, maire de Saint-Ouen-les-Vignes et vice-président délégué à la transition écologique à la communauté de communes Val d'Amboise et que nous avons rencontré le soir de cette restitution. On l'écoute. Philippe Degnaud, quels enseignements faut-il tirer de cette soirée de restitution du questionnaire citoyen sur la biodiversité ? Eh bien, un public intéressé par le sujet, peu nombreux, mais au moins un peu certainement fidèles. Et puis, des échanges riches, avec une curiosité clairement affichée. Et certainement des relations qu'on pourra donc développer plus tard. Et surtout des actions avec beaucoup d'idées qui ont été émises. Donc, une soirée extrêmement positive pour nous. Et puis très participatif, puisque là, on peut remarquer que sur les tables, l'idée, c'était de proposer à chaque participant de pouvoir apporter son point de vue, ses idées nouvelles. D'ailleurs, il y a des choses qui ont été dites, d'ailleurs, dans les échanges aussi. Tout à fait. Donc, c'est le but de la soirée, c'est de compléter finalement le résultat de notre questionnaire et puis d'avoir la contribution la plus large et la plus efficace possible. Alors, efficace, on ne sait pas, mais du moins active pour notre plan d'action à venir. Donc, c'est effectivement une belle soirée. Il me semble qu'on peut rappeler aux auditeurs que le questionnaire, bien qu'exploité, on peut toujours y répondre. Oui, tout à fait, en allant sur le site de la communauté de communes du Val d'Amboise et en utilisant le QR code, donc à cet effet. Bien sûr, ce n'est pas une fin en soi et on exploitera tous les résultats. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà donc les propos de votre élu. Thomas, est-ce que vous le rejoignez dans ce qu'il a pu dire ? Oui, tout à fait, oui. La soirée était riche en enseignements et effectivement, les gens ont joué le jeu, ont participé. Oui, ça alimente notre travail et ça concrétise de plus en plus le plan d'action. Mmh. Et on peut toujours répondre au questionnaire encore là, maintenant, au mois de juillet ? Oui, oui, on l'a laissé en ligne et d'autant plus qu'on l'a ajouté. Le QR code se retrouve dans le magazine du Val d'Amboise qui a été diffusé, je crois, semaine dernière. Voilà. Donc oui, l'idée, c'est de récolter encore des réponses. On les analysera au fur et à mesure pour les intégrer au plan d'action final. Nous, on a un travail de formalisation de ce plan qui se poursuit jusqu'à septembre, près, pour une validation qui est prévue à l'automne. Très bien. Afin d'apporter des améliorations en termes de biodiversité sur le territoire du Val d'Amboise, il est important d'en connaître ses atouts et ses fragilités. Est-ce que vous pouvez nous redire, Thomas, de quoi il s'agit ? Oui, c'était l'objet de l'Atlas Biodiversité, de cibler les espaces, les espèces à enjeu sur le territoire. Et donc, on a des résultats qui montrent que les espaces les plus remarquables sont souvent les plus petits et peut-être les moins spectaculaires aussi. Ça va être des petites zones humides, des pelouses calcaires, des milieux qui sont très particuliers. Et donc, de cette particularité naît une richesse importante. Et ce sont les milieux à préserver, les plus menacés, en fait, ceux qui vont être à préserver en priorité. L'autre chose importante, c'est de pouvoir veiller à relier l'ensemble des milieux pour que les espèces puissent circuler, qu'il y ait des échanges au sein d'une même espèce génétique et puis que tout l'écosystème fonctionne dans son ensemble. Donc ça peut passer par recréer des haies, par exemple, veiller à conserver celles qui existent. Voilà, et sur les espaces, donc on a des petits espaces remarquables, on va avoir aussi des secteurs plus importants comme la forêt d'Amboise, la Loire ou les rivières, qui sont des enjeux majeurs aussi sur le territoire. Et qu'on doit préserver. Donc là, pour le coup, c'est le travail avec les partenaires, notamment les syndicats de rivières, l'Office national des forêts. J'en oublie, mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est toujours une difficulté quand on veut énumérer. Mais rappelons que pendant les précédentes émissions, vous nous avez fait découvrir un tas de trésors sur la biodiversité locale, notamment la présence de loutres dans la masse ou encore de chats forestiers en forêt d'Amboise. Et c'est absolument fascinant d'apprendre tout ça. Et je suis bien certaine qu'il y ait plein de gens qui ne le savent pas. Oui, oui, c'est possible. D'ailleurs, je crois que les émissions sont toujours écoutables. Bien sûr. Si les gens veulent en savoir plus. Absolument. Et puis, notre atlas de la biodiversité est en ligne sur le site de la communauté de communes. On poste régulièrement des informations sur Facebook. Oui. Et il y a une lettre d'information, voilà, qui n'est pas très régulière pour l'instant, mais qui va le devenir. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à dire qu'on est intéressé par ce sujet auprès de la communauté de communes. Ça me remonte et puis n'importe qui peut être intégré à la liste de diffusion. C'est un mail de temps en temps avec des informations sur le sujet. Mmh. Voilà. Ben oui, pourquoi en faire l'économie ? En tout cas, on vous retrouve sur différents événements. Vous avez participé notamment à Tous dans le Van, à la fête du développement durable à Nazelles, sur laquelle vous serez au mois d'octobre. On vous a retrouvé aussi aux côtés du Pôle 21. Vous êtes toujours présent. Notre service, oui, essaye de répondre aux sollicitations. C'est aussi un souhait des élus, qu'on puisse communiquer et mettre en avant le travail qui est fait, notamment sur la biodiversité et notamment lorsque c'est des événements en extérieur. Le sujet est particulièrement adapté, mais on parle aussi des autres politiques menées comme la mobilité, l'habitat, qui sont des thématiques qui se croisent en fait. Absolument, absolument. Eh bien, merci beaucoup Thomas pour toutes ces explications et ces perspectives. Merci à vous. Eh bien, on l'a compris, la transition écologique passe aussi par la participation citoyenne. Donc, si vous souhaitez suivre ou rejoindre les actions portées par la CCBA, Thomas l'a expliqué, il suffit de scanner le QR code ou bien d'aller sur le site du Val d'Amboise ou même sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement les accès. En tout cas, merci à tous d'avoir été à l'écoute et à très vite sur Radioactive pour une nouvelle émission autour de la biodiversité en Val d'Amboise. Au revoir Thomas. Au revoir et merci. Thank you.